ton corps m'enivre de mystère. Tes secrets de femme encouragent mes errances. L'inconfort de mon sort irrite ma clairvoyance. L'inachevé devient ma loi. Et j'enrage d'être aussi placé. Tu es inscrite en moi. Belle princesse lagine, exilée de tout cœur, tu me couvres de fleurs, à l'amitié tu m'assignes pour adoucir ma guine. Tu m'offris quelquefois d'être au creux de tes bras, dans un rêve inassouvi. Jusqu'au bout de tes nuits, moi je rêve à demain, sans y être contraint, à l'abandon estival de tes craintes hivernales. Mais tu es un torrent, indomptable et pourtant, qui ne peut s'empêcher d'être déterminé. Tu m'offris quelquefois d'être au creux de tes bras, dans un rêve inassouvi, jusqu'au bout de tes nuits. L'inachevé devient ma loi, et j'enrage d'être aussi placide. Tu es inscrite en moi, belle princesse lagine.